gestes se sont éteints. Cruel mouvement sans ordre, que les sourds viennent mordre. Pourtant, ces gestes n'étaient pas fins. Le silence est un roi. Le pouvoir fatigue. Le pouvoir fatigue, fatigue.